Exercice 5, page 56. Ici, Blinis, cycliste, critique. Cursus, futur, culture, sculpture. Rugby, musique, utile, brunir. Issu, minute, pilule, figure.